Vous écoutez Radio Web Passion. Il est 19h, vous êtes dans les coulisses de Bérénice sur Radio Web Passion et nous sommes ensemble pour une bonne heure. Une longue absence liée au contexte sanitaire ne nous permettait pas de reprendre cette émission. Donc je précise qu'aujourd'hui nous respectons les mesures sanitaires pour cette interview. Je suis ravie de pouvoir à nouveau vous partager l'univers artistique en musiques actuelles. Je vous rappelle le concept, vous présenter sous forme d'interviews et de live les artistes émergents. Ce soir, j'ai un invité de grande qualité, originaire de Gien, très british, très gentleman, discret, brillant, ayant un parcours très atypique, mais toujours dans l'excellence. Bonsoir Kevin. Bonsoir Bérénice. Avant de faire connaissance, dis-moi, tu es le premier artiste à tenter l'expérience ici dans les coulisses pendant le déconfinement. Je voulais savoir pour toi comment ça s'est passé, le confinement et le déconfinement. Alors, le confinement et le déconfinement, ça s'est passé comme on a pu. Hein. C'est-à-dire que en tant qu'artiste et comme tout le secteur de l'événementiel, on a été évidemment énormément touché dans nos activités par le Covid. Donc, tous les spectacles ont été annulés. Le déconfinement ne veut pas dire la reprise des spectacles, malheureusement. Mais pour moi, cette période de confinement aurait été une occasion de me remettre à la composition. C'était des choses que j'avais mises de côté depuis pas mal d'années. Donc j'essaie toujours de trouver le positif, même dans des événements négatifs. Très bien. Oui, on t'a vu beaucoup faire des lives. Moi-même, j'ai regardé ce que tu faisais. C'était pas toujours évident au démarrage. T'as choisi en effet de prendre quelques risques parce que tous ne l'ont pas fait. Mais je sais que toi, tu as facilement tenté l'expérience et je sais que tu as été énormément suivi. C'est la raison pour laquelle moi, de mon côté, je me suis intéressée, mais je te connaissais déjà puisque j'avais déjà été te voir en concert pour d'autres projets. Et je me suis dit, le confinement, pas facile pour un artiste. Le déconfinement, comment on l'aborde? Là, aujourd'hui, merci d'être là, puisque tu es le premier. Avec plaisir. Donc, merci de m'avoir invité. Oui. Donc, tu as refait, en effet, tu as composé. Donc, ça a été pour toi le côté très positif. C'est ça ce que tu viens de me dire? Oui, c'était, comme je disais tout à l'heure, c'était quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps. Enfin, je composais beaucoup avant et mes activités artistiques ont évolué dans une direction différente. Mais malgré tout, j'avais toujours cette envie de créer, de faire mes propres chansons. Et du coup, j'ai vraiment profité de cette période pour écrire des chansons. Et du coup, moi, je vais vous interpréter tout à l'heure des... On va écouter tout ça. Des chansons toutes fraîches. Tout à fait. Donc là, toi, tu nous viens de Gien. Ouais. Donc, tu as une heure de route pour venir nous voir. C'est ça, ouais. Tu es originaire de cette région? Alors, je suis un Giennois d'adoption. Ça veut dire que ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans le Giennois. Je suis né dans Lyon, à Sens. J'ai ensuite vécu un peu à côté de Dunkerque. Et ensuite, je suis arrivé, on va dire, en région centre dans les années 80. J'ai habité à Belleville-sur-Loire, Cône-sur-Loire, Châtillon-sur-Loire. Bon, t'as tourné un petit peu quand même de ce côté-là, voilà, quoi. Un peu, surtout autour de ça, j'ai eu une petite période un peu parisienne et je suis revenu après dans le Génois avec, voilà, je viens d'Empire en Burly. Donc là, toi, t'es un projet solo avec Kevin Dupont. On va parler de ton projet parce que tu nous fais la primeur et l'honneur de nous apporter dans ta besace des compositions toutes fraîches. Mmh. Donc on va les écouter très bientôt. Je sais que tu as d'autres projets, donc on va en parler aussi puisque tu as des projets plus en reprise. Donc on va aussi les aborder pendant cette interview. Qu'est-ce qui t'influence aujourd'hui sur tes compositions propres là aujourd'hui, hein, sur celles que tu vas nous présenter? Mes influences en termes de groupe et d'artiste? en termes de groupes, d'artistes, ce que tu écoutes, les rencontres, enfin, qu'est-ce qui t'a, pour toi, Ouais. aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que que tu as composé de cette façon-là, enfin, que tu es toi, en fait? Bah, je pense que pour toutes les personnes qui composent, on peut pas dire que c'est toujours des choses originales dans le sens où on a toujours nos influences, toutes les musiques qu'on a écoutées, les musiques avec lesquelles on a grandi. Tout ça, c'est des choses qu'on a à l'intérieur de nous et qu'on peut évidemment pas renier. Et voilà, moi, par exemple, je suis un grand fan des Beatles. Cette influence Beatles se retrouve naturellement dans beaucoup de mes compositions. Après, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres groupes. Bon, déjà, je suis très très intéressé par toute la période anglo-saxonne des années 60, 70. Ça, c'est évidemment une grosse partie de mon influence qui se ressent beaucoup. Après, il y a des choses plus, on va dire, plus rock, peut-être même plus bon, hard rock ou même plus violente, avec lesquelles j'ai grandi, qui se retrouvent pas forcément. C'est pas forcément évident qu'on de détecter ces influences dans mes compositions, mais elles sont là malgré tout et on peut le retrouver quelquefois peut-être dans certaines dissonances ou façons de chanter. Qui m'éloigne parfois de mon côté gentillet Britpop. Dis-moi, tu as démarré quand exactement? Quand est-ce que tu as commencé la musique? Alors, la musique. Le chant, je ne sais pas par quoi tu as commencé, parce que tu joues de plusieurs instruments. On a assez de doigts. J'ai commencé très jeune en voulant, enfin en voulant, c'est mes parents qui m'avaient proposé de prendre des cours de piano. J'ai été intéressé par le concept. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé parce que la prof de piano avait une méthode très académique qui ne me correspondait absolument pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'avais naturellement cette tendance à jouer les choses à l'oreille, puisque j'ai la chance d'avoir une bonne oreille et quand j'entends une musique, je peux la reproduire très facilement. Et forcément, quand on part sur des méthodes académiques, ça passe pas bien du tout. Donc même au collège, hein, j'ai réussi à avoir des 0 sur 20 en musique parce que je jouais les chansons à la flûte sans la partition sous les yeux. Et du coup, la prof avait décelé la supercherie. Sinon, j'ai commencé. Enfin voilà, moi je pensais que j'étais pas fait pour la musique, mais c'était quand même quelque chose qui revenait très régulièrement du fait que j'ai quand même grandi. Dans une famille de musiciens, j'ai un père chanteur-guitariste, ma mère également qui chante et qui fait du piano, un grand-père qui faisait de l'accordéon, qui chantait beaucoup également. J'ai toujours baigné dans un univers musical et donc c'était quelque chose que j'avais en moi et naturellement je suis revenu à la guitare à l'âge de, enfin à la musique en découvrant la guitare à l'âge de 14 ans. 13 ou 14 ans, je sais plus, enfin par là. Et puis en fait, c'était le guitariste-chanteur dans lequel mon père jouait, dans le groupe dans lequel mon père jouait, qui m'avait proposé de me donner une guitare à condition que je vienne 15 jours après interpréter une de ses chansons en répétition. Donc j'ai relevé le challenge et j'ai mis le doigt dans l'engrenage parce qu'évidemment je ne pouvais pas refuser une telle occasion de commencer la musique. Donc j'ai commencé à me mettre sérieusement à la guitare à l'âge de 14 ans et puis très rapidement j'ai monté avec des amis du collège avec qui je suis toujours en contact mon premier groupe qui s'appelait Parasite. Donc avec Michael Poron à la guitare, Arnaud Botin à la basse, Florent Chevalier au chant et Christophe Pinal à la batterie. Donc on a fait nos premières armes dans les pubs, dans les cafés, et on a commencé à se rôder à cet univers qu'on découvrait tous ensemble. Justement, est-ce que c'est une bonne école quand même, les bars, pour démarrer? Parce que c'était difficile quand même. Hein, bon, là, vous étiez un groupe, donc il faut bien se lancer, mais. Effectivement, le circuit des bars, pubs, ce sont des circuits qui sont difficiles, mais c'est vraiment une bonne école et dans lesquelles je prends toujours du plaisir à jouer. C'est difficile parce que je pense que le public de pub, c'est le public le plus ingrat qu'on puisse avoir, puisque les gens ne sont pas forcément là pour assister à un concert. Il y en a la moitié qui viennent juste boire des coups. Voilà, c'est bruyant. C'est un public qui est très difficile à accrocher. Et si on arrive à accrocher un public de pub, je serais tenté de dire, on est capable de pouvoir accrocher n'importe quel public. Tu as ta fanbase aujourd'hui. Ouais, on peut dire ça. On peut dire. Oui, on Ouais, peut je sais dire. pas, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais oui, y a des gens qui me suivent, Oui, effectivement. moi je trouve qu'il y a de la fanbase. Voilà, d'après ce que j'ai vu. En tout cas, ben c'est bien, mais ça s'est construit, c'est-à-dire que c'est pas arrivé tout seul. Ça a mis des années. Voilà, on t'a connu sous plusieurs groupes, que ce soit en. D'ailleurs, tu as toujours chanté en anglais? Principalement en anglais, puisque j'ai cette culture de musique britannique, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Après, j'ai quand même chanté quelques chansons en français. Les compositions à l'époque étaient toutes en français, parce que je n'avais pas le niveau nécessaire pour écrire en anglais, sinon je serais directement passé en anglais, mais il y a quand même, c'était surtout les compositions qui étaient en français. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, tu vas nous interpréter un de tes premiers titres, Ouais. là, hein, dans quelques minutes. Donc, c'est un titre, tu peux nous présenter peut-être le premier, tu choisis, tu en as quelques-unes dans ta Ouais. besace, donc laquelle tu vas commencer par nous interpréter? Alors, c'est une chanson qui s'appelle The Game is Over. The game is over. Très bien. Donc, quand tu veux, Eh bien, maintenant, alors. on y va. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est une composition toute fraîche que j'ai fini d'écrire assez récemment, même si je l'avais déjà entamée il y a quelques temps. Donc c'est pour ça que j'ai même pris les paroles avec moi sous le nez, et j'espère que je vais pas faire trop d'erreurs. Bravo Kevin. Merci Bérénice. Donc vous êtes toujours dans les coulisses de Bérénice jusqu'à dans encore une bonne heure ensemble. Et on a avec nous Kevin Dupont qui nous vient de Gien C'est moi-même. et qui vient de nous interpréter The Game is Over. Oui. Très bien. Est-ce que je peux te poser une question par rapport à l'écriture et à la composition, en fait ? Oui. Comment est-ce que toi, quel est ton mécanisme ? Est-ce que tu connais ton mécanisme pour écrire ? Est-ce que c'est quand tu es triste ? Est-ce que plutôt quand tu es, je sais pas, tu as des moments de solitude ? Enfin, est-ce qu'il y a des moments propices pour l'écriture chez toi ? Alors, c'est une bonne question. Effectivement, l'état d'esprit a énormément d'importance dans la couleur de la chanson et, on va dire, dans l'inspiration. Pendant très longtemps, je trouvais plutôt l'inspiration dans la tristesse, dans des moments un peu sombres. Et quelquefois, je me mettais volontairement dans cet état d'esprit pour écrire des chansons. Aujourd'hui, j'ai, on va dire, une méthodologie un peu plus saine, dans le sens où je comprends un peu mieux comment fonctionne mon processus d'écriture. C'est-à-dire que j'attache énormément d'importance à la mélodie. Donc pour moi, la mélodie chantée, c'est ce qu'il y a de plus important, et je construis tout autour de ça. Généralement, je prends un instrument et puis je me laisse un peu aller à fredonner des notes et puis chercher des accords, en cherchant la note ou l'accord qui permet de mettre en valeur soit l'accord, soit la note. Et ensuite, les paroles viennent un peu après. La difficulté avec cette méthode, c'est évidemment d'écrire un texte qui colle. Enfin, pour que le nombre de pieds colle avec la mélodie. Donc c'est sûr que c'est une contrainte supplémentaire pour écrire les paroles, mais c'est une méthode qui moi m'interpelle, et je trouve que ça se ressent. Enfin voilà, les artistes qui écrivent d'abord la musique et ensuite les paroles ont une approche qui, pour moi, s'entend. Je trouve que ça s'entend quand un groupe privilégie vraiment la mélodie plutôt qu'un groupe qui commence par écrire un texte et essayer de faire de la musique sur un texte. Toi, t'es capable de te rendre compte de ça, en fait, par rapport aux autres ? Ça, c'est quelque chose qui... C'est un mécanisme, ouais. C'est toujours le même, en fait. Tu vois comment il s'est articulé et... Généralement, les artistes qui écrivent leur texte avant la chanson, on sent que... Enfin, moi, je trouve, hein, c'est un ressenti, il peut m'arriver... probablement de pouvoir me tromper, mais c'est assez rare que je me trompe quand je dis, tiens, cette chanson-là, le texte a été écrit avant la musique, parce que je trouve que ça se ressent sur la mélodie. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup moins de notes et beaucoup moins de mélodies quand tu contiens un texte, parce que voilà, l'artiste est focalisé sur ce pavé de texte avec un message généralement assez fort, qui donc prend beaucoup de place dans le processus, parce que voilà, il faut caser tous ces mots. Donc c'est un peu c'est des choses que moi je pourrais avoir la prétention d'entendre ça. Quand j'entends une mélodie qui selon moi pas assez aboutie, je pense que c'est un texte qui a été fait avant, et c'est assez rare que je me trompe, quoi. Je rencontre dans des chansons nanana, voilà, il y a deux notes, ou une, parfois qu'une seule note, hein. Voilà, on sent que l'artiste est là pour communiquer un message, et la musique est un peu un prétexte pour ça, quoi. Et moi, je suis de l'autre côté. Tu mets combien de temps à peu près pour écrire ? Ça dépend, ou est-ce que... Je sais que pour certains, ça date d'il y a des années, ils ressortent un papier, ils continuent, enfin, ça peut prendre... Le processus peut aussi durer des années, ouais, avant de finalement trouver le bon moment, les bons mots, ou la bonne composition. Effectivement, ça peut prendre beaucoup de temps. Avant, j'écrivais beaucoup plus vite, et je pense que ça se ressentait aussi sur les résultats. Là, les dernières chansons que j'ai pu faire sont... c'est des chansons qui ont eu le temps de beaucoup mûrir. Voilà, la chanson que je vous ai chantée à l'instant, c'est une chanson que j'ai commencé à écrire l'année dernière. Donc j'avais déjà cette mélodie pour le refrain, et un peu la mélodie du couplet que j'ai retouché. J'ai écrit les paroles pendant la période de confinement, et j'en ai profité aussi pour retravailler la mélodie pour rendre la chanson encore plus mélodique qu'elle n'était. Et j'ai écrit le pont de la chanson également assez récemment, ça va faire 2 semaines. Donc je vous dis, c'est tout frais. Très bien, oui, donc là t'as été inspiré. le confinement t'a vraiment inspiré, tu t'es posé? Ouais, bah ça m'a donné l'opportunité de me poser, puisqu'en général j'ai pas le temps de pouvoir passer comme ça. Bah, moi j'ai pas de travail avant un moment, donc j'ai vraiment je peux j'ai le temps de faire ça et j'en profite pour le faire parce qu'effectivement ça demande beaucoup de temps et d'énergie et bah là ça va que je vis tout seul, mais voilà, c'est un peu compliqué de faire ça avec une vie de couple, une vie de famille. Quand on a une idée qui nous vient à 4 heures du matin, on se réveille au milieu de la nuit, puis voilà, on a surtout pas peur de, on a peur d'oublier la chanson. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait? Ben on l'enregistre, on écrit des choses. Et donc ça, c'est un peu incompatible avec avec d'autres personnes dans le foyer. Tu as évoqué en fait le fait aussi que là, t'as plus de travail. Ouais. On va faire une petite pause musicale. Oui. Et puis, on va un petit peu en discuter, si tu le veux bien. Très bien. Donc, on va s'écouter Maybe I'm Amazed. Paul McCartney. Nous revoici dans les coulisses de Bérénice avec Kevin. Tout se passe bien, Kevin ? Tout se passe bien. Très bien. En tout cas, bravo pour ce que tu nous as joué tout à l'heure. Je voulais revenir en effet sur le confinement. C'est un petit peu... Après, on passera à autre chose. Mm-hmm. Mais la partie intermittence qui aujourd'hui fait bouffer quand même un certain nombre d'artistes. Toi, de ton côté, comment est-ce que tu t'es dit « je vais me faire un plan B » pour pouvoir me sortir de cette situation-là. Est-ce que comment t'as réagi? Comment tu t'es dit on verra bien, ou alors peut-être que je ferai ceci ou cela. Enfin, quels sont tes plans B? Il faut peut-être pas tout dévoiler parce qu'il y en a peut-être qui vont faire pareil. Mais comment t'as réagi toi par rapport à ça? La panique ou pas la panique? Bah panique non, parce que j'ai pas un tempérament à m'inquiéter facilement, même si évidemment. C'était une situation inédite pour tout le monde, et y compris notamment pour les musiciens, puisque c'est vrai que l'activité artistique, notamment tout ce qui est événementiel, on s'est pris la crise de plein fouet. On a été les premiers à recevoir les gouttes, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à avoir des annulations de spectacles avant qu'on soit en confinement. Un plan B, moi j'en ai pas du tout. Le plan B, ça sera si jamais je peux plus faire mon métier, je ferai autre chose. Je travaillerai dans une ferme ou à l'usine, j'en sais rien, je sais pas du tout. Je vais tout faire pour évidemment continuer de vivre de mes passions, et j'espère qu'on pourra tous continuer à faire ça. C'est vrai qu'on travaille, on traverse une période très étrange. On n'a pas de recul et je pense que personne n'a de personne ne peut prédire ce qui va se passer, que ce soit les annonces du gouvernement ou les journalistes. On est tous sur des suppositions, donc moi je m'emballe pas. Bon, t'attends, wait and see, comme on dit. On t'attend de voir. Et puis, de ton côté, toi, t'avais renouvelé ton intermittence ou il te manquait beaucoup? Alors, je repartais sur un nouveau cycle. Ma date anniversaire était mi-février. Donc, je repartais sur un nouveau cycle, mais bon, c'est vrai qu'avec. Avec les mois de confinement plus l'après confinement, puisque voilà, c'est pas parce qu'on est déconfiné qu'on peut retravailler. Nous, on est, enfin, tout comme les bars, les restaurants, on est également quelque part encore en confinement, hein, puisqu'on peut pas exercer nos activités. Donc c'est vrai qu'on va quand même avoir un gros trou dans les nombres, dans les mois qui nous permettent de faire nos dates pour les spectacles, pour le statut d'intermittent du spectacle. Et a priori, donc on partirait sur une année blanche, d'après ce que j'ai compris. Donc cette année, ça y est, c'est acté, parce que je l'ai partais dans pas tous encore les sens. Vu, ça c'est pareil, je m'emballe pas tant que j'ai pas reçu un document officiel nous expliquant un peu où on va. Voilà, bon, a priori, il va se passer des choses qui vont nous permettre de pouvoir, les intermittents du spectacle, de pouvoir surmonter cette crise et puis de repartir sur quelque chose. Mais bon, dans tous les cas, on est évidemment touché à tout niveau, que ce soit artistiquement puis même financièrement, parce que même si on a la chance en tant qu'intermittent du spectacle de pouvoir toucher le chômage du Pôle emploi spectacle, c'est évidemment moins que ce qu'on peut gagner en faisant des spectacles. Donc bon, ça nous permet de manger, je me plains pas. Voilà, je sais qu'il y a des pays qui n'ont pas ça, donc voilà, j'ai quand même conscience de la chance que j'ai d'être dans un pays comme la France qui nous permet de pouvoir rebondir sur ça. Après, voilà, je n'ai pas de... Bon, je sais pas. Bon. Personne ne sait. On va essayer d'avoir confiance en l'avenir. Donc, ça fait combien de temps à peu près que toi, tu joues pour te nourrir, on va dire? C'est un peu brusque que je suis en train de te dire. Non. Tu en vis depuis combien de temps? De l'intermittence. Alors, ça fait 10 ans que je suis intermittent du spectacle. Quand j'avais commencé à faire des spectacles pour pouvoir en vivre, je pensais m'orienter vers la musique puisque j'avais plus j'avais plus d'expérience en tout cas dans la musique. Mais j'avais découvert une autre activité entre temps qui est devenue mon activité principale par la suite, c'est-à-dire la magie. Oui, parce que en fait, toi aujourd'hui, tu fais beaucoup de choses. Mm-hmm. T'as beaucoup de passion. Oui. Et dont la musique. Bon, aujourd'hui, tu viens pour la musique, mais Kevin Dupont, c'est aussi d'autres activités annexes qui t'ont permis de te diversifier. Et est-ce que c'est pas le fait de pouvoir rebondir sur des activités quand elles fonctionnent un peu moins bien, pour pouvoir un peu, c'est la, Voilà, c'est un peu la diversification, c'est un peu comme le domaine de la bourse, en fait, pour ceux qui connaissent, qui vont diversifier leurs actions. Et puis quand il y en a une qui fonctionne un peu moins bien, ben on Ouais. ponctionne, on utilise l'autre. Enfin, comment est-ce que toi tu avais fait des stratégies, ou est-ce que c'est venu naturellement que tu en es venu à faire du close-up, que tu en es venu aussi parce que tu fais aussi de la BD, tu es dessinateur? Ouais, ça c'est Donc une activité que j'ai un peu délaissée, mais effectivement, tu c'était as un. expérimenté Ouais. et tu as développé à un moment donné aussi. Donc peut-être que tu ne t'es pas enrichi, tu n'as peut-être pas gagné beaucoup d'argent, mais tu as essayé d'exploiter cette partie-là de toi aussi. Oui, bah c'est-à-dire j'ai, comme tu l'as bien dit, j'ai énormément de passions qui m'animent. Et ma toute première passion, c'était le dessin, puisque quand j'étais gamin, j'étais tout le temps en train de dessiner. Et j'avais envie de devenir dessinateur de bande dessinée. Je m'étais mis à mon compte juste avant de vivre du spectacle pour faire du dessin de communication. J'ai surtout fait de la communication d'entreprise et puis des cartes postales, des jeux de cette famille. Enfin voilà, j'ai travaillé pas mal avec un éditeur corse. Ça, c'est une activité qui m'a permis de manger pendant quelques temps, mais bon, j'ai bien compris que avec l'arrivée de la crise en 2008, que je pourrais pas continuer, que je ne pouvais pas continuer cette activité. Et il a fallu donc que je trouve un plan B. Et ce plan B, bah, je me suis dit, bon, bah, quitte à tout tenter, autant me lancer dans le spectacle et devenir intermittent du spectacle. Donc, par la suite, j'ai fait donc la démarche de vivre de mes spectacles, pensant, comme je l'ai dit tout à l'heure, plutôt faire de la musique. Mais la demande a été plus forte en magie, puisque je pense qu'il y a quand même beaucoup moins de magiciens que de musiciens. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle j'ai plus développé cette activité. C'est difficile en tant que musicien de faire sa place dans ce milieu, parce que c'est vrai, d'autant plus pour moi, ce qui me concerne, je travaille beaucoup dans des circuits pubs, voilà, des cafés-concerts. Ce sont des circuits dans lesquels il y a également tous les musiciens amateurs qui passent dans ces circuits. Et forcément, bah, les musiciens amateurs, ils peuvent venir à 5 pour le prix d'un intermittent du spectacle. Voilà, quand on tient un troquet comme ça, c'est évidemment plus intéressant d'avoir 5 bons musiciens plutôt qu'un seul pour le même prix. Donc c'est assez difficile de trouver sa place dans tout ça. C'est vrai que naturellement, j'en suis venu à faire beaucoup de formules réduites, à faire de la chanson en solo et puis toujours des duos. Après, j'ai élargi de revenir en groupe parce que c'est l'énergie d'un groupe, c'est quelque chose qui est quand même. C'est quelque chose qui se vit et c'est hyper. Enfin, comment je pourrais dire? Ça prend encore plus au trip de pouvoir partager ça avec d'autres musiciens. Donc, Oui, donc ça c'est tu parles de groupe quand t'as démarré en fait ou depuis toujours? Pour toi En c'est général, hein, d'accord. jouer en groupe, c'est. Il y a vraiment un partage. Quand on fait de la musique, il y a nécessairement un partage avec les spectateurs. Quand je fais un concert tout seul, bah voilà, j'ai partagé des choses avec les spectateurs, c'est chouette. Bah, par contre, après, voilà, à la fin du concert, bah, j'emballe mon matériel, je rentre tout seul. J'ai personne avec qui partager sur l'après. Tiens, qu'est-ce que t'as pensé de cette chanson-là, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut faire Pas de quand on est en feedback, groupe. ouais. Ouais, c'est voilà, y a un peu je sais pas comment on pourrait dire le syndrome du clown triste après sa prestation. Ok, on est là pour faire rêver les gens, mais bon, après le spectacle, bon, je suis pas en train de me plaindre, ni en train de faire mon caliméro. Non, mais c'est voilà pour dire que partager des choses avec des musiciens, c'est aussi quelque chose Alors, qui est appréciable. tu partages avec des musiciens, mais aussi avec la famille. Ouais, En tout même à fait, temps, ouais, tu peux c'est nous vrai. en parler? Oui, alors je vais vous parler de mon frère Ken Dupont, qui. Alors, il n'est pas musicien professionnel, mais c'est également un excellent musicien puisqu'il a commencé la musique à peu près en même temps que moi. Ça fait quelques années, j'avais envie. En fait, on a eu plusieurs groupes séparés. On a fait chacun nos parcours. Et puis un jour, je lui ai proposé. Je lui ai dit, bah voilà, on a plus rien tous les deux. Est-ce que ça te dirait que on fasse un duo? J'avais envie de monter un concept, essayer de trouver quelque chose d'original qui pourrait fonctionner dans les circuits dans lesquels on jouait, c'est-à-dire de faire de la reprise, puisque la reprise était toujours plus appréciée dans ces endroits-là. Et du coup, on a monté un tribute Beatles. Qui s'appelle les Beatles. Les Beatles. Ouais, avec un M. Et ce duo est bon, c'est un duo qu'on avait testé il y a quand même quelques années. C'était en 2003. On avait commencé à faire nos premiers concerts avec cette formule. Et puis par la suite, quand j'en ai fait mon métier, je lui ai proposé de reprendre ce duo parce que j'avais envie de jouer avec lui. Et ce duo, on avait envie de le faire évoluer. Donc du coup, maintenant, on joue avec une troisième personne, Patrick à la batterie, qui fait également les chœurs. Et donc du coup, c'est un duo à trois. Un duo à trois, ce qui est assez rare quand même. Tu joues de quel instrument exactement? Enfin, tu chantes. Ouais. Tu joues de la guitare, parce que je t'ai vu à la guitare. Ouais. Tu fais du piano. Ouais. De la batterie, parce que je t'ai vu à la batterie aussi. Tu m'as vu à la batterie? Ouais, je t'ai vu. Je te dirai après où. Je serais curieux de voir ça. Non, il me semble que je t'ai vu à la batterie. C'est possible, c'est possible. Au Tintin. Ah, c'est possible, ouais. C'est possible. Ouais. Bon, la batterie, c'est pas un instrument. Que je maîtrise, je suis capable de faire semblant de jouer de la batterie. Voilà, je connais deux trois bricoles pour faire de l'esbrouf, mais je ne me prétends absolument pas batteur. Donc c'est déjà pas mal, hein, tout ça. Il y en a d'autres Ouais, bah après j'en sais rien. Quand on sait faire de la guitare, on sait aussi se débrouiller à la basse, forcément. Bon, là, il y a pas trop de mérite à passer de la guitare à la basse. Même si pareil, je me prétends pas non plus être un bassiste exceptionnel, mais bon, voilà. Sur mon côté touche à tout, j'aime. Dès que je vois un instrument, j'ai envie d'essayer. Moi, j'avais même essayé le violon pendant un moment. Ouais. Les instruments avant aussi, j'avais essayé, mais bon, ça, c'est définitivement pas du tout mon truc. Bon, au moins, t'as tenté. Et puis, ouais, peut-être que tu y reviendras à un moment donné. C'est un peu comme l'écriture. Peut-être que tu laisses tomber à un moment donné. Et puis, si ça se trouve. Et puis, on évolue, on progresse. Enfin, bon, après, c'est une philosophie de vie. Mais donc, c'est déjà pas mal, hein. Donc, on a dit les Beatles. Ouais. Donc, ça, c'est aujourd'hui encore existant. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et donc, tu en as un deuxième aussi, un tribute. Bon, là, c'est pas en famille, par contre. Alors, c'est pas en famille. C'est avec un ami de longue date qui, pour moi, est comme un frère. Avec Arnaud, qui jouait déjà dans mon tout premier groupe, dans le groupe Parasite, et qui était également là dans les groupes qui ont suivi. Arnaud à la basse et Alexandre à la batterie. Un tribute Nirvana, donc un spécial Nirvana dans lequel on reprend tous les tubes du groupe de Seattle. Et puis à la fin du concert, je prends ma guitare pour l'éclater, puis tout se passe bien. Oui, donc avant tout, tu prends du plaisir. Ouais. Que ce soit dans les Beatles ou que ce soit dans le tribute de Nirvana. Pour toi, c'est la base. Hein. C'est hyper important. Enfin, je pense que c'est un métier dans lequel on n'a pas le droit de faire semblant. On n'a pas le droit de faire ça juste parce qu'on nous demande. Voilà, si demain on me demande un tribute de Johnny Hallyday, bah, je dirais non, parce que Johnny Hallyday, c'est pas du tout ma cam. Et je serais incapable de faire ça convenablement. Et si je le faisais, pour moi, j'aurais l'impression de tricher dans le sens où ça serait malhonnête vis-à-vis du public, puisque. J'estime qu'un artiste est là pour transmettre des émotions, pour partager des choses, et je vois pas comment je pourrais partager des choses avec en faisant des chansons qui moi ne m'interpellent pas. C'est la base. Mais bon, c'est valable pour le public, hein. Le public le voit, le ressent. Je pense que le public ressent s'il y a une supercherie. Enfin, moi, j'ai déjà vu des musiciens en train de regarder leur montre parce qu'ils sont juste là pour faire du cachet. Et puis voilà, je trouve ça lamentable et je trouve ça vraiment dommage de dans un métier comme celui-ci de le faire juste pour pouvoir bouffer, quoi. Je pense que si on a perdu cette flamme, bon, autant faire autre chose, quoi. Et tu te vois comment dans 5 ans ou dans 10 ans? Dans 5 ans, on va dire. On va peut-être pas aller très loin. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je me pose toujours beaucoup de questions sur mon parcours et puis sur mes activités. Voilà, je me remets toujours en question de toute façon sur tout ce que je fais. Dans 5 ans, je ne sais absolument pas du tout où j'en serai. Comme je te dis, j'ai beaucoup d'activités. J'ai dans le spectacle, j'avais beaucoup. Enfin, c'est toujours le cas. J'ai beaucoup beaucoup travaillé sur la partie magie. c'est une grande partie de mes activités. La musique, c'est quelque chose qui me fait vibrer tout autant que la magie, hein, d'ailleurs. Je prends autant de plaisir à faire les deux, même s'ils sont des choses très différentes. J'aimerais pouvoir faire un peu plus de musique. Après, j'aimerais pouvoir le faire dans des conditions un peu plus intéressantes. Et puis, la composition, pour moi, c'était quelque chose qui vibrait à l'intérieur de moi depuis pas mal de temps, et donc du coup j'ai envie de développer ça en tout cas. Mais pour répondre à ta question, dans 5 ans, je sais pas du tout où j'en serai. Si ça se trouve, je continuerai à faire que de la magie. Si ça se trouve, la partie musique aura pris le dessus. Je tourne également avec une troupe de cabaret, donc si ça se trouve, le cabaret peut très bien décoller et puis prendre tout mon temps. C'est assez difficile de taper dans plein d'activités différentes, parce qu'au bout d'un moment, il faut faire des choix. Même si on est passionné et qu'on fonce dans tous les projets, au bout d'un moment, c'est tous les projets dans lesquels on se lance se font forcément au détriment des autres. Oui, je suis à peu près je suis d'accord avec toi en fait. À force de trop se diversifier, Oui. on se perd. On risque de se perdre ou de perdre de l'énergie là où il faut pas. Bah, À un c'est moment ça, donné, il faut enfin, ouais. rentabiliser. Hein, Bah, il y a moi aussi je. Ouais. il y a une question de rentabilité, Tout à fait. d'activité. Qu'est-ce qui est le plus rentable? Bon, et puis essayer d'associer en même temps ce qui te plaît. Tu as la chance aujourd'hui de vivre de ta passion. Oui. Et ça, c'est aussi ça, c'est un luxe aujourd'hui pour certaines personnes, mais ça a un prix c'est aussi. De ton côté, toi, tu as fait beaucoup de sacrifices et beaucoup de travail. C'est aussi des rencontres que tu as faites à un moment donné. Et puis, il y a aussi une prise de risque, j'imagine. On va en reparler, on va faire une petite pause musicale. Ouais. Mais j'aimerais bien que tu me parles des rencontres que tu as eues au niveau de ta carrière artistique musicale. Je sais que tu as eu des rencontres un petit peu particulières. Et je vais pas le dévoiler, mais j'aimerais bien que tu en parles. Ouais, D'accord? On se fait une ok, pause? À très tout de bien. suite. À tout de On suite. s'écoute de luxe. Barcelonnette. vient d'écouter Deluxe Barcelonnette. Vous êtes dans les coulisses de Bérénice. Je reçois Kevin qui est avec moi. Bonsoir. Bonsoir Bérénice. Alors, on était en train de parler des rencontres que tu avais eues dans ton parcours. Et il y en a certaines qui t'ont influencé ou qui t'ont semblé intéressantes ou qui t'ont impressionné. Dis-moi, est-ce que t'en as rencontré des personnes qui t'ont marqué dans ta carrière? Oui, bien sûr. Il y a des personnes, je pense notamment à deux personnes en particulier du même groupe, hein, du groupe Trust. Trust, quand même. oui, Trust, ouais, c'était les groupes, le groupe qu'on écoutait. Not Trust, ouais, ouais, tout à fait. J'ai eu la chance de rencontrer et de côtoyer assez régulièrement Norbert Krief, Nono, le guitariste fondateur du groupe, hein, et David Jacob, leur bassiste. Avec mon groupe à l'époque, le groupe Plus Discipline, on avait été contacté par un manager à Paris qui cherchait des musiciens pour accompagner sa chanteuse. Et il se trouve que ce manager connaissait énormément de monde dans le milieu musical. On a fait beaucoup de, on a eu la chance de jouer dans des beaux studios, de faire des scènes très intéressantes dans des festivals. On avait même fait un festival où on avait joué juste avant Muse, donc c'était sympa. Bon, personne ne connaissait Muse à l'époque, mais c'est toujours assez rigolo de parler de cette anecdote. Ouais, j'ai fait la première partie de Muse. Bon, ouais, voilà. C'était un petit festoche très sympa. Et donc du coup, avec ce groupe qui s'appelait Tilt, on a eu la chance d'être drivé par Norbert et David, notamment en studio, pour toute la période d'enregistrement. Puis même, ils nous ont beaucoup influencé sur la façon de jouer, sur les compositions. Et nous, à l'époque, voilà, on avait une vingtaine d'années, on était des petits branleurs, on pensait qu'on connaissait le métier, et puis que voilà, on avait déjà fait des concerts, on pensait qu'on maîtrisait notre instrument. Mais non, ils nous ont démontré qu'il n'y avait pas juste une bonne façon de jouer d'un instrument, qu'on pouvait aller chercher des choses bien plus profondes. Ça a été une expérience hyper enrichissante et assez perturbante en même temps, puisque voilà, ça faisait quand même beaucoup de choses qui se remettaient en question. Moi, je me rappelle en studio avec Norbert qui me disait « Mais non, mais pour ton solo, tu fais beaucoup trop de notes. » Ça a été filmé d'ailleurs, on voit où j'étais toujours encore un peu dans cette période de guitare héros à vouloir démontrer toute la technique que j'avais. Et puis Norbert qui me disait « Non, mais t'es pas là pour montrer aux autres ce que tu sais faire. T'es là pour faire de la ce que tu sais faire, tu dois le mettre au service de la musique. » Et j'ai pris des grandes leçons par rapport à ça, quoi. Par rapport à la façon de jouer, la façon de gérer l'ego aussi, parce que mine de rien, beaucoup de musiciens, j'en faisais partie, puis je pense qu'en tant que musicien, je dois toujours avoir un peu ça. Il y a toujours le côté un peu melon, voilà, on est toujours, il y a beaucoup de musiciens qui sont persuadés d'être des vedettes, et puis, et de toujours vouloir tirer la couverture vers eux, et ça se fait toujours au détriment de la musique. Mais il faut pas oublier qu'on est juste là en tant que vecteur pour la musique. Et par rapport à ces rencontres, Norbert et David nous ont aussi expliqué l'importance d'avoir une tenue vestimentaire, d'une attitude, de la façon de se tenir sur une scène, la façon de regarder les spectateurs. Ça, c'est des choses que j'ai eu du mal un peu à intégrer au départ, parce que voilà, quand David me disait les spectateurs, il faut les regarder dans les yeux, ils adorent qu'on les regarde dans les yeux, et puis j'avais envie de lui dire non mais attends, vous êtes différent, vous êtes un groupe connu, moi personne me connaît, tout le monde s'en fout si je les regarde. Non, détrompe-toi. Et c'est quelque chose que j'ai mis en application après par la suite. Et effectivement, le fait de regarder les spectateurs dans les yeux, il y a une réelle connexion qui se met en place. Et on n'est plus du tout dans la même dimension. Voilà, on est vraiment dans le partage. Et je pense que ça fait partie de notre métier. On n'est pas quand on fait de la scène, on n'est pas que là pour déballer notre art. On est là pour créer ces connexions, pour emmener les spectateurs dans notre univers, les faire rêver. Et ça, c'est un métier. Voilà, il suffit pas juste de connaître sa discipline, il faut aussi connaître tout ce qu'il y a autour du métier. C'est également passionnant. Donc, David et Norbert ont beaucoup contribué à ces remises en question me concernant, et je continue toujours de me remettre en question, puisqu'on n'a jamais fini d'apprendre dans ce métier. Oui, c'était à la croisée du nombrilisme, à la croisée de... Non, mais c'est voilà, surtout quand vous côtoyez des personnes... Trust était déjà bien connu à l'époque, parce qu'ils avaient fait la première partie de Muse, donc c'est qu'ils étaient déjà repérés quand même. Alors la première partie de News, c'est Avec un ton abandon. Ça, groupe. c'était avec mon Ah groupe. oui, On était dans un excuse-moi. festival Oui, pardon. et on voilà, on avait fait la scène off du festoche des News. D'accord, ouais, tu faisais Mais le parallèle avec justement les remises en les question ouais. et puis d'être plutôt fair play, puis se dire voilà, c'est un monde où il y a beaucoup d'ego. On dit souvent Ouais. un artiste est un ego, Tout à fait. enfin dans le milieu dans lequel moi aussi professionnel je vis. Et je trouve ça très intéressant ce que tu dis parce que ça se ressent sur ta personnalité. On sent que tu es assez. Comment dire? Tu as une prise de recul en fait importante. Et quand je te disais que je te sentais, moi, dans la présentation tout à l'heure, je te trouve discret. Je pense qu'il y a un petit peu de maturité de toute cette de cet ego, d'expérience de vie qu'on ressent aujourd'hui. Est-ce que tu as toujours été comme ça? C'est ta personnalité? Tu as ra rapidement pu intégrer ce genre de choses? Parce qu'il y en a à 50 ans qui n'ont toujours pas intégré, hein. Tu n'en as pas 50 déjà. Maintenant j'ai la quarantaine, donc je pense que aussi avec l'âge, ça permet aussi Tu crois que c'est de lié à l'âge, hein? Ou pas forcément, parce que est-ce que ta personnalité? la maturité et l'âge sont des choses qui sont un peu différentes, donc même très différentes. Alors, on peut trouver des gens très matures, À 20 jeunes, ans, oui. Peut-être que et c'était puis déjà comme des ça. gens en 60 ans qui sont complètement immatures. À 20 ans, je n'avais pas du tout ce recul que j'ai aujourd'hui. J'ai toujours été quelqu'un de plutôt discret, voire timide. D'ailleurs, ça fait encore partie de ma personnalité. Quand je suis pas en spectacle, voilà, je suis pas du tout à faire mon show. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens, enfin toutes les personnes qui me découvrent en spectacle et qui découvrent ma vraie personnalité après, me disent: eh ben non, en fait t'es super timide. Bah ben non, je suis pas timide, je vais pas faire mon show quand en dehors de la scène C'est ou Dr. Jekyll, hein, où... et Mr. Hyde. Ah bon? Oui. Moi, j'ai eu l'occasion de te voir sur scène. Ouais. C'était quoi? C'était il y a combien? Peut-être il y a 2-3 ans. Tu étais déguisé en personnage d'Orange Mécanique. Oui, c'est ça, ouais. Bon, voilà, c'est provocateur. Il y a quand même un petit côté provocateur chez toi. Et puis, où tu lâches tout. Tu lâches tout, quoi. Voilà, pour moi, c'est. T'as le double. T'as une double, pas personnalité, mais ça, pour moi, c'est flagrant. C'est-à-dire, tu balances tout quand t'es sur scène. C'est vraiment l'exutoire. C'est ça, ouais, comme tu dis, c'est un exutoire. Quand on est sur scène, on peut tout se permettre puisqu'on est on est un personnage. Donc, On fait du show. voilà, on est là pour faire le show. Le côté j'aime bien me déguiser ou porter des fringues un peu improbables quand je suis sur scène, des choses que je pourrais évidemment pas porter bon, en allant faire mes courses. La scène, c'est ça, c'est aussi l'opportunité de pouvoir s'exprimer artistiquement et puis de pouvoir se lâcher à tout niveau. Et puis voilà, si quand t'étais venu me voir, j'avais mis le feu à la guitare à la fin du J'ai pas concert osé le dire parce que je me suis dit peut-être que j'ai pas le droit de le dire à la radio. Mais toi, tu l'as lâché, c'est pas moi. c'est pas pour moi, ça fait partie du show, quoi. Voilà, moi je suis pas du tout provocateur dans la vie de tous les jours. Je suis pas du tout violent mais voilà, il y a des choses qui m'amusent. Le côté rock and roll avec tout son folklore, moi ça m'éclate, hein, pouvoir entrer dans ce personnage, puisque c'est un personnage qui se fait un peu inconsciemment, parce que c'est vrai que quand je monte sur une scène, je suis plus du tout la même personne. Et puis je ne parle plus de la même façon, je ne marche plus de la même façon, j'ai plus du tout la même attitude. Et comme tu dis, c'est un exutoire et c'est vraiment kiffant de pouvoir faire ça. Et en plus d'en vivre. Ouais, c'est un luxe, Ouais, Kevin. ouais. C'est un luxe. Bon, on n'a J'en qu'une ai vie, conscience. pareil. Ouais. Donc, bon, bravo à toi, à tout ce que tu nous donnes, en fait, toutes tes émotions, toutes les nouvelles compositions. D'ailleurs, tu me dis quand tu veux que Tu veux j'en tente une autre? Tu veux jouer la deuxième Ouais. Vas-y. Ah bon, c'est parti. On t'écoute. Très bien. Donc, une fois de plus, encore une chanson toute fraîche. Installe-toi, elle s'appelle. Elle s'appelle. Cette chanson s'appelle Turning Crazy. Turning Crazy. Et les paroles ont été fini d'écrire très récemment, c'est le genre peut-être 2 jours ou 3 jours. C'est vraiment tout frais, tout frais. Alors, la musique, je l'avais faite il y a beaucoup plus longtemps que ça, par contre. Ben voilà, je vous laisse découvrir ça. On t'écoute. En direct. Turn me on, are you ready? Do you really wanna host me? Don't be noticing. Bon, je ne suis pas toute seule à applaudir, je pense, de l'autre côté aussi. Donc, superbe. Tu as un timbre de voix qui est quand même assez exceptionnel. Mm-hmm. Moi, je t'ai entendu chanter du Queen. Ouais. À la Java Pop. Ouais. C'était il y a quelques mois, je pense. C'était cet hiver. C'était juste avant le confinement. C'était le mi-février. Ça devait être le dimanche 16 février, très exactement. Ouais, donc tu as une bonne mémoire. Moi, je n'avais pas cette mémoire-là. Et cette voix, tu l'as travaillée? Tu la travailles aujourd'hui? Oui, effectivement, j'ai travaillé. Je pense pas que ce soit inné. Enfin, de toute façon, quoi qu'on fasse, il y a dans l'artistique, il y a absolument rien d'inné. On peut avoir des prédispositions. J'ai des cordes vocales, c'est pas moi qui les ai choisies. En revanche, j'ai passé du temps pour apprendre à chanter et pour me remettre en question. Et puis, toutes les choses que j'ai pu, enfin, toutes les techniques, ne serait-ce que des techniques de voix cassée pour pousser sa voix, c'est des choses qui s'apprennent. Et pour apprendre ça, on est obligé de passer par des périodes où on se casse vraiment la voix, on se fait vraiment du mal, limite à sentir le sang au fond de la gorge, à vouloir chercher des choses pour pouvoir trouver le bon dosage, pour pouvoir en connaître les limites. Et puis voilà, après, je pense qu'il faut savoir donner de sa personne aussi pour faire des choses. Ben, comme je disais tout à l'heure, la musique, on est là pour partager. Donc, il faut, si on veut recevoir de la part des spectateurs, il faut donner. Et les spectateurs, avec les applaudissements ou des sourires ou des regards, me renvoient 10 000 fois ce que je peux leur donner en m'éclatant les cordes vocales. Donc, je continuerai de le faire tant que physiquement ça suit. Tu t'es entouré de professionnels pour ça? Ah non, non, moi tout ce que je fais, je l'ai fait en autodidacte. Tous les instruments ou le chant, j'ai Même tout le à fait. chant? Ouais, même le chant, ouais. Donc comment tu peux Comment m'expliquer? on fait pour apprendre le chant tout seul? Oui, bon, je sais qu'il y a Internet, il y a des tutos, mais enfin, comme à cette Bah, époque-là, ouais, moi à il y l'époque, il avait. n'y avait pas Internet. Alors dis-moi, est-ce que. Comment j'ai appris à chanter? Bah, déjà en apprenant à écouter sa voix. Parce que naturellement, quand on parle, on n'écoute pas notre voix avec nos oreilles, on écoute notre voix avec la résonance. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est toujours très étonné quand on se voit en vidéo. On se dit, attends, tout le monde a sa voix, sauf moi. Moi, j'ai pas ma voix normale. Oui, c'est vrai. Et alors qu'en fait, c'est juste qu'on est habitué à écouter notre voix avec la résonance. Et déjà, prendre conscience de ça. Ça permet de changer énormément la donne puisqu'on apprend réellement à écouter ce qui sort de notre bouche. Alors pour ça, bah moi j'ai beaucoup travaillé au casque, beaucoup avec un micro, beaucoup à chanter à tue-tête, ne serait-ce que dans la douche ou en voiture avec le pare-brise. Voilà, on peut se lâcher, personne n'est là pour nous écouter, on peut tester des trucs. Et j'ai vraiment appris à découvrir ma vraie voix dans ces conditions-là. Et puis bah du coup à chercher un peu. En apprenant aussi un peu le chant en voulant imiter des timbres de voix aussi, ça permet aussi de découvrir un peu sa tessiture, voir où jusqu'on peut aller. C'est un très bon exercice de vouloir faire de l'imitation quand on commence à apprendre le chant. Voilà, moi j'ai cherché un peu des voix un peu graves dans les Joe Cocker par exemple, des voix pétées un peu à la Kurt Cobain, voilà, il m'a imité le timbre de voix de Kurt Cobain, voir un peu comment il faisait pour dérailler sa voix. Toute la sensibilité qui en dégageait, je l'ai vraiment décomposée et j'ai voulu comprendre mécaniquement comment ça fonctionnait. Pourquoi cette voix-là, elle me touche particulièrement? Bah parce que dans sa façon de chanter, voilà, il y a un peu plus de souffle, sa voix est chaude. Là, il n'est pas tout à fait juste. Et il le fait exprès de pas être tout à fait juste. Il vient chercher la bonne note au dernier moment. Et c'est ça qui fait que ça nous prend et que ça nous emmène. Voilà, il y a énormément de techniques qui entrent en compte. Que ce soit on peut chanter avec le nez, avec la gorge, avec le ventre, à resserrer la gorge, à ouvrir plus ou moins la bouche, à avancer un peu la mâchoire. La position de la mâchoire a aussi beaucoup d'impact. Et c'est pour ça, l'imitation, pour moi, c'est, en tout cas en termes d'apprentissage, une très bonne école à essayer de reproduire exactement le même son, et puis quitte à faire des grimaces pas possibles. Enfin voilà comment j'ai appris le chant, c'est en testant, et puis surtout, voilà. Avant tout, en prenant conscience du véritable son qui sortait de ma voix, Et de ma bouche, pardon. si tu devais, enfin ça c'était il y a quand même quelques années, Ouais. si tu devais le refaire, enfin si aujourd'hui on te disait tu repars à zéro, est-ce que tu referais de la même façon? Absolument. Même avec Bah oui, parce les que. nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui, est-ce que tu, enfin je pense que tu les utiliserais, parce qu'aujourd'hui tu les utilises hein, quand même. Hein. Bon, je t'ai vu, hein. Tu utilises tes nouvelles technologies aujourd'hui, mais. Ouais, tu le ferais par toi-même, pareil. Ouais, parce que Bon, ta maman est chanteuse, est prof de chant? non, j'ai aucun parent Ils qui sont fait bien de d'accord. métier dans la musique. Non, non, enfin, même enfin toute ma famille sont des musiciens autodidactes. D'accord. Je pense que c'est aussi pour ça que je devais aussi avoir cette culture d'autodidacte, c'est-à-dire que pour moi, je voyais pas le Comme j'expliquais tout à l'heure avec cette petite anecdote avec cette prof de musique qui voulait Tu t'as impérativement marqué quand m'apprendre même, le hein? solfège, et puis moi je ne connais toujours pas mon solfège aujourd'hui, moi. Je suis musicien professionnel, je ne connais pas mon Tout solfège. est à l'oreille. Je connais beaucoup de choses en termes de technique. Voilà, si je dois parler de théorie, je connais la construction de mes accords, les intervalles, et puis je connais toutes ces choses-là. Mais pour moi, une feuille avec des notes, ça ne m'intéresse pas. Et la technique pour la technique, je sais pas. En fait, ce que j'ai découvert tout seul, pour en revenir à ta question sur le chant, je ne sais même pas comment un prof, enfin, je sais pas comment font les profs de chant pour essayer de faire sortir des voix de leurs élèves, hein, parce qu'il suffit, enfin, voilà, il suffit pas juste de chanter juste, hein. Déjà, c'est la base, parce que si déjà la personne ne fait pas la différence entre la bonne note et puis le truc à côté, déjà, ça part de très loin. Je suis pas sûr qu'on puisse être capable de faire quelque chose. Ça, je pense que ça sert à rien de travailler des beaux timbres de voix si la note est pas là, quoi. Mais après, tout ce qui est technique, moi, j'ai beaucoup de ressenti. Est-ce que ça t'a empêché d'aller plus haut, de pas avoir justement cette partie-là, Bah, je cette pense pas, formation? je ne pense pas, parce que voilà, en termes de tessiture, j'ai quand même, je peux quand même monter très haut. Enfin, je pense que techniquement, je vois pas trop comment un professeur pourrait continuer de me faire travailler ma voix plus que là. Alors quand j'entendais plus haut, c'était professionnellement. C'est-à-dire, est-ce que il y a des professionnels qui t'ont approché à un moment donné, des artistes, des groupes ou des artistes ou des managers qui auraient pu t'approcher à un moment donné en te disant, bah écoute, on aurait besoin ou d'un chanteur ou d'un guitariste, mais bon, il va falloir que tu t'adaptes aussi et que voilà, pour pouvoir jouer avec les groupes, eh ben, on a besoin que tu passes par cette étape-là, quoi. Enfin, moi, Bah, j'ai toujours ouais. entendu que pour pouvoir, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Non, enfin pas je du tout, enfin, que pour s'adapter au groupe, il fallait impérativement être dans ces formations, en fait, que c'était inévitable pour progresser, pour pouvoir s'adapter, de passer par. Si t'as pas les formations, même en étant autodidacte, c'est plus compliqué. Ça donne beaucoup plus de. C'est plus long, en fait. Ouais, ah ben j'en ai parfaitement conscience que C'est beaucoup plus long. bah tu sais le piano par exemple, je l'ai appris en autodidacte. Je sais faire semblant de faire du piano, mais voilà, j'ai commencé à m'attaquer au troisième mouvement de la sonate au clair de lune de Beethoven, qui est un truc qui a des 10 000 notes à la seconde. Là, j'ai pris conscience que bah l'oreille c'est bien, mais au bout d'un moment l'oreille a ses limites, et y compris la mémoire. Et quand on commence à partir sur des choses, je pense notamment à la musique classique ou même certaines musiques jazz qui sont très complexes. Au bout d'un moment, l'oreille et la mémoire ne pourront pas subvenir à une partition. Mes limites sont là. Alors après, c'est pas le style de musique que je joue, et puis c'est pas dans ce domaine-là où je prends plus de plaisir, donc c'est pas un problème pour moi. Mais effectivement, si demain il y avait un groupe de jazz qui me demandait de venir, je leur dirais, bah, écoutez, non, c'était pas moi qui. Bon, déjà, c'est pas ton orientation, enfin, t'as Ouais. pas forcé pas ton univers, Je et peux c'est faire tout. semblant de faire du jazz, je peux prendre la guitare puis faire un peu de faire semblant de faire du jazz manouche. Je sais faire semblant, mais bon voilà, des vrais professionnels vont détecter la supercherie très rapidement. Si t'avais un conseil à donner à peut-être tes enfants ou aux jeunes aujourd'hui par rapport au domaine artistique, musical, qu'est-ce que tu leur donnerais? Et puis on va se quitter dans quelques minutes. Ouais. Mais pour moi, c'est important que tu répondes à cette question. Alors, c'est délicat parce que le message que je pourrais leur communiquer, c'est un message dans lequel je me cherche également, parce qu'on est quand même dans un moment où il y a beaucoup de choses qui changent. On est plus du tout dans l'ère où avant on écrivait une chanson et puis il suffisait de vendre des disques. Aujourd'hui, la vente des disques, on n'est plus dedans. On est plutôt sur le live. Il faut, enfin, ma réflexion aujourd'hui, c'est je pense qu'un enregistrement audio et vidéo, ce sont des supports commerciaux aujourd'hui. On n'est plus là pour vendre du disque, on est là pour faire la promotion de l'artiste, pour que les gens viennent voir en live. Enfin, je pense que c'est aujourd'hui la direction qu'il faut prendre si on veut vivre de ça, c'est la scène. Alors, peut-être que je me trompe, mais enfin, moi, c'est la direction dans laquelle je pars. Si j'écris des chansons, c'est pas pour les enregistrer en espérant vendre des milliers de disques et puis d'attendre chez moi que les royalties tombent. Non, je pense que c'est une époque qui révolue, même si on a évidemment toujours des gros qui arrivent à vivre de ça. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, en commençant en 2020 à vouloir défendre mes propres chansons, je pense que c'est sur une scène qu'il faudra les défendre. Et la scène, du coup, ça implique de vraiment savoir jouer, de vraiment donner, parce que en studio c'est facile, on peut refaire la reprise 15 000 fois. Si on chante pas juste, il y a l'autotune qui est là. On peut noyer ça avec des milliers d'arrangements, et ça peut prendre 2 semaines pour le faire. Le spectateur s'en rendra pas compte. En revanche, quand on est tout seul ou en équipe épurée sur une scène avec juste un instrument et un micro, il n'y a plus de tricherie. Et je pense que la différence se fait là. De mon point de vue de musicien avec cette culture rock, voilà, bon, ça ce n'est que mon point de vue. Donc, si je devais donner des conseils, très modestement, je leur dirais, faites des choses, et puis surtout, prenez conscience que tout ce que vous faites numériquement, ça reste qu'un support, et pour ensuite développer sur des choses bien plus concrètes avec de l'humain. Si, évidemment, l'après-Covid nous permet de Oui, refaire des concerts bientôt. bon, bah, faut garder espoir, faut garder espoir. On s'adaptera et peut-être qu'on le fera différemment, mais sûrement que ça continuera. Je pense qu'on en a tous besoin, hein. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous rappeler sur quels réseaux sociaux on peut te trouver? Alors, pour ton projet Kevin Dupont. Ouais. Mon projet Kevin Dupont, enfin tout. Kevin Dupont, c'est mon vrai nom et c'est également mon pseudo de mon personnage plus précisément. Donc, sur kevindupont.com déjà, on peut trouver toutes mes activités, que ce soit la magie, tous mes groupes. Alors, j'ai pas encore fait de page pour défendre mes compositions, mais ça viendra évidemment très rapidement, puisque là récemment, il y a quelques temps, j'ai mis sur YouTube, on peut me trouver aussi sur YouTube, j'ai mis un clip en ligne avec une chanson, une composition. Donc voilà, j'ai sorti ça récemment, donc ça on pourra le retrouver également sur mon site. Et sinon, d'un point de vue réseaux sociaux, je n'ai que Facebook pour le moment, donc vous pouvez me trouver en cherchant Kevin Dupont. De mon côté, Tu mettras un petit je vais relayer en lien. Ouais, fait, voilà, ça sera plus simple. tous tes réseaux, Ouais, tous tes super. réseaux sociaux. Je vais te souhaiter une bonne continuation. Merci beaucoup, Bérénice. On te voit très vite sur scène, J'espère. bien sûr. On se tient au courant, que ce soit sur Kevin, que ce soit sur la magie ou que ce soit sur du tribute. On a donc Meatles, Nirvana, Ouais. et puis. Parfois, tu viens faire des reprises ou de la composition, même que ce soit jouer à la Java Pop. C'était un Ouais. petit peu, pas improvisé, mais t'as joué un petit peu ce qui te tenait à cœur. Mais il n'y avait pas de. Il y avait quoi? Du Queen, il y avait. Enfin, Ouais. moi, j'ai été impressionnée ce jour-là. C'était vraiment impressionnant. Donc, si vous pouvez venir le voir, vous ne serez pas déçus. C'est un moment formidable. Kevin est extrêmement sympathique et fair-play, comme on a pu l'entendre tout à l'heure. Donc, et il excelle dans beaucoup de domaines, la magie également. Donc, tu as un cabaret aussi, tu joues avec un cabaret, c'est Je ça? joue avec une troupe de cabaret qui s'appelle Magic Cabaret. On peut passer par mon site Tu ou me sinon directement donneras sur magiccabaret.com. les liens et puis Ouais. moi, je vais les relayer. Très bien, mais je te donnerai tous mes spectacles, tu verras. Encore, Il y ouais, en a un merci. paquet. Merci. Ben, je vais noter tout ça. On va te souhaiter bon retour du côté de Gien. Merci beaucoup. Et puis, si tu veux repasser nous voir dans les coulisses, eh bien, quand tu veux. Je sais où vous êtes maintenant, donc Voilà. j'hésiterai pas. Et merci d'avoir tenté l'expérience. Avec grand plaisir, merci pour ton accueil. Merci, Kevin. Je vais vous quitter avec un cover. Il est Libre Max de Vince Terranova, que j'espère bientôt venir. J'espère qu'il viendra bientôt, pardon, dans les coulisses. Donc, il est Libre Max. Et je vous souhaite une bonne soirée. À très vite. Donc, à dans 15 jours. Au revoir.